Restez à l'écoute des programmes de la première. Très bel après-midi. Voici Histoire vivante. Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire vivante. Cette semaine, théorie et action. L'homme est le seul animal qui réalise ses rêves. De la prison au plein air. Je puis sans doute me dispenser de vous rappeler l'état actuel du monde. L'apprentissage de la pensée. Le défaut majeur de notre civilisation industrielle basée sur l'expansion est qu'elle ne peut durer. L'univers entier est traversé par le processus de l'augmentation de l'entropie, c'est-à-dire de la dissipation irréversible de l'énergie. Quand toute l'énergie sera dissipée, dispersée, dégradée, entropisée, vous mourrez. L'homme fabrique des objets pour faire en sorte qu'ils accordent plus d'importance à leur téléphone portable qu'à leur gosse. Si l'on rapporte l'histoire de notre planète à une journée de 24 heures, l'homme est apparu dans les 5 dernières secondes. Et l'époque de l'Anthropocène serait apparue dans les 2 derniers millièmes de seconde. Ma mémoire étant ce qu'elle est, mon activité étant ce qu'elle est, impossible de me souvenir très exactement, je dirais que c'est autour des 2016, que nous avons conversé avec Bernard Stiegler la dernière fois que nous nous sommes vus. Toujours est-il que le plaisir est là de le retrouver en face au micro d'Histoire vivante pour une autre série moins abondante, moins longue que la précédente. La précédente, on aura l'occasion d'en reparler pour faire un petit peu le point, notamment d'un des nombreux projets que Bernard Stiegler avait à l'occasion initié, en l'occurrence ce projet baptisé Pleine Commune. Là, j'ai eu souci de retrouver Bernard Stiegler à la fois tout simplement humainement pour prendre de ses nouvelles et puis avoir le plaisir d'une conversation avec lui, d'autant que le dernier entretien avait suscité nombre de réactions auprès du public suisse, auprès du public d'Histoire vivante, qui avait été passionné par les propos, les découvrant pour certains. Donc, occasion de revenir à la charge avec une deuxième couche, d'autant que, en fin de semaine, la télévision suisse aura l'occasion, dans la case Histoire vivante, de proposer un documentaire intitulé « Le grand dérèglement » signé Jean-Robert Vialet. Je ne sais pas pourquoi, dans les méandres de mon esprit, j'ai associé dérèglement à Bernard Stiegler, ça me fera peut-être sourire, mais je pense pas être complètement à côté de la plaque, et c'est ce que nous disions hors antenne avant l'ouverture de ce micro. Il s'est avéré que Bernard Stiegler et Jean-Robert Vialet se connaissaient, l'un, Stiegler, ayant participé au documentaire de l'autre, qui s'intitulait, on en avait parlé dans Histoire vivante, « Le temps de cerveau disponible ». Voilà pour les présentations. À propos de présentation, j'ai envie de lancer à Bernard Stiegler le défi complexe qui est souvent le lot de l'introduction des invités, puisque vous le savez, les gens sont appelés à faire un autoportrait. Mais je me suis posé la question, Bernard Stiegler, comment vous présentez-vous, sachant que vous multipliez des publics, vous multipliez même, on peut dire, les pays. Enfin, vous avez coutume d'être devant des auditorats fort variés, avec en plus de ça des propositions de contenu également fort variées. Ce qui fait que se présenter, je pense, doit être... alors, il y a peut-être une valise avec quantité de couches, de sacoches, je ne sais pas. Comment vous faites ? Mais non, c'est une vraie question. C'est une question pour moi, même en termes de ce qu'on appelle parfois la communication, enfin, autour de mes projets, c'est parfois compliqué. Mais cela dit, je me présenterai comme philosophe, tout simplement, parce que pour moi, les philosophes... Alors, philosophe, qu'est-ce qui fait que je m'arroge ce titre ? Bon, voilà, j'enseigne la philosophie depuis longtemps, j'écris des bouquins de philosophie, mais j'essaie aussi de pratiquer, je ne sais pas comment dire ça, une vie philosophique. Voilà. Mais au sens où les philosophes, en tout cas jusqu'au XVIIIe siècle, multipliaient aussi les scènes. Par exemple, Leibniz, c'était un ambassadeur, c'était aussi un prélat, c'était un mathématicien, Descartes, c'était un combattant, un soldat, et qui s'adressait aussi à de multiples publics. Et en fait, on pourrait dire que Socrate aussi, puisque Socrate fréquentait les mômes un peu paumés de la cité, c'était pas aujourd'hui comme dans le 9-3, là où j'essaye de faire des choses avec les mômes de la cité et de Pleine Commune, mais c'était quand même aussi ça. C'était une période où la cité grecque, Athènes, était en crise. On présente souvent cette période comme éclatante de lumière, toute blanche d'ailleurs, parce que c'est l'albâtre, donc les bâtiments sont magnifiques, etc. D'abord, ils n'étaient pas blancs, ils étaient peints, pour commencer, la peinture est partie. Et en plus, c'était pas du tout de tout repos, parce que c'était la guerre civile. Il y a eu des procès, comme au pluriel, qui plus est, les guerres civiles. Oui, des guerres civiles, et qu'il y a eu des tyrannies, des massacres absolument abominables, que Socrate lui-même a été condamné à mort, que pendant qu'il a été condamné à mort, il y a eu 350 autres procès, donc c'est quand même, sur une petite cité de 350 000 habitants, ça fait beaucoup. Voilà. Ce que je veux dire par là, c'est que la philosophie telle qu'on la pratique aujourd'hui, c'est-à-dire on fait normal sup, ensuite on va à la Sorbonne, etc., et on reste dans son petit coin, ça c'est totalement atypique, c'est tout à fait nouveau, et je dirais que c'est même nouveau jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, parce que Georges Canguilhem, qui est un philosophe qui compte énormément pour moi, qui a aussi beaucoup compté pour des gens importants comme Michel Foucault, Gilbert Simon, etc., c'était un résistant. D'ailleurs, il n'était pas simplement philosophe, mais il était aussi médecin et biologiste. Il a aussi coupé des jambes à la scie, sans anesthésie. Il explique ça, que c'était, voilà, ça faisait partie de son rôle dans la résistance, qui était de tenir un hôpital de campagne, notamment, etc. Jean Cavaillès, fusillé par les nazis, comme on dit, à cette époque-là, c'était la philosophie. Ça consistait aussi à lutter contre la Gestapo, les nazis, etc., et en prenant les armes. Donc, ce que j'essaye de faire, moi, c'est ce que je considère être à peu près normalement de la philosophie. Ce qui est peut-être un petit peu différent de ces époques-là, c'est que depuis est arrivée la technologie, au sens où on en parle au sens moderne du terme, c'est-à-dire la très intime association entre la science et la technique, le capitalisme industriel qui a fait de la science et de la technique, devenant de la technologie, sa base de combat, si je veux dire, pour quoi faire ? Alors, pour mener une guerre économique, voilà, qui est de plus en plus sanglante, qui est en train de détruire le monde d'ailleurs, comme ce film de Vialet le montre très très bien. Hein. Et donc, oui, il y a des choses tout à fait nouvelles par rapport aux pratiques classiques de la philosophie, y compris le fait d'utiliser Internet et le World Wide Web pour faire de la philosophie, par exemple, et aussi de réfléchir à comment repenser ce qu'on appelle les architectures de réseau, les formats de données, les structures de données, pour essayer de développer des technologies de ce genre qui seraient conformes à ce que la philosophie considère être, disons, souhaitable. Les autoroutes de l'Allemagne nazie sont le symbole de ce qui s'annonce plus que jamais, le lien entre guerre et pétrole. La Seconde Guerre mondiale marque effectivement un saut énergétique si radical qu'elle représente un moment sans précédent dans l'histoire de l'Anthropocène. Le soldat américain de la Deuxième Guerre consomme 228 fois plus d'énergie que celui de la Première. Le principal avantage stratégique des forces alliées consiste d'ailleurs dans l'approvisionnement presque illimité en pétrole américain. Entre 1940 et 1944, la production industrielle américaine augmente plus vite qu'à n'importe quelle autre période de l'histoire. Elle triple. Les moyens de production hors normes développés pour la guerre préparent un monde nouveau. Un futur hyper productif, hyper industriel s'annonce. Quand vous citiez, ça m'est venu comme ça en vous entendant, Canguilhem, ou disons tout philosophe qui est à un moment plongé dans la guerre, selon vous et d'après ce que vous avez pu en lire, est-ce que ça sous-entend que le Canguilhem en question pose un instant son costume de philosophe et fait une toute autre activité, ou l'un nourrit l'autre et d'une certaine manière il continue à faire malgré tout ou à penser philosophie? Non, je pense que l'un nourrit l'autre. Dans un petit livre que j'avais écrit il y a maintenant 16 ans, je soutenais qu'il y avait quelque chose de commun entre philosophie et religion. C'est qu'on ne peut pas cesser d'être curé à partir du moment où on sort de l'église où on enlève sa soutane. Alors, ce qui pose quelques problèmes d'ailleurs à quelques prélats aujourd'hui qui sont prélats ou religieux. Disons, qui ont pu l'enlever. Ouais. Qui ont pu l'enlever pour de très très mauvaises raisons. Voilà. Bon, mais en tout cas, c'est comme ça. La philosophie, c'est pareil. Soit on est philosophe tout le temps, soit on ne l'est pas du tout. Alors après, quand je dis on est tout le temps, ben on est comme les curés. C'est-à-dire que là, parfois on n'y arrive pas. Mais si vous voulez, si on prend Husserl par exemple, mais Socrate disait la même chose, la philosophie c'est une conversion de la façon de vivre. Voilà. Tout à coup on ne vit plus comme d'habitude. On se tourne vers quoi ? C'est difficile à dire si on est... on ne peut pas le dire en général. Ça, les écoles de philosophie se définissent précisément par la définition de ce tournant. Voilà. Donc Husserl appelait ça une conversion. Et je pense que quand on a fait cette conversion, si on l'a fait, on l'a fait totalement. Et pour revenir à Canguilhem, je pense que Canguilhem est nourri, par exemple, par sa lutte dans le maquis, et aussi par ses expériences de médecin de campagne, enfin de campagne militaire, qui sont de terribles épreuves, évidemment. Comme Descartes a été nourri par sa relation au pouvoir, au combat, etc., etc. Et comme Socrate a été nourri jusqu'à la fin, d'ailleurs, en disant ben, « je bois la ciguë », parce que Socrate était un combattant à l'intérieur de la cité, qui était quasiment en guerre civile. Donc voilà, c'est très très très important de rappeler ça. Ça, c'est très gommé en général par les enseignements, que ce soit au lycée ou à l'université, mais je pense que c'est absolument fondamental. Et je ne crois, pour moi, la philosophie ne travaille de toute façon que sur des matériaux hétérodoxes à la philosophie. Les philosophes qui ne font qu'étudier l'histoire de la philosophie, qui par exemple les spécialistes de Hegel, ce ne sont pas des philosophes pour moi, ce sont des historiens de la philosophie, ce qui peut être très bien d'ailleurs, on en a besoin, hein. Moi j'en ai besoin. Je connais des gens qui ne sont pas du tout des philosophes, qui sont des historiens de la philosophie, mais qui me sont extrêmement utiles parce que je les lis, parce qu'ils font un travail que moi je n'ai pas le temps de faire. Mais par contre, la philosophie, ça n'est pas ça. La philosophie, c'est un engagement dans la vie. Quand je dis ça, je ne veux pas dire qu'il faut être engagé politiquement. Ça peut être ça aussi, mais c'est un engagement, voilà, à partir d'un processus de conversion, si on reprend la terminologie, on change sa façon de voir, et on essaye d'apporter dans le monde des processus de transformation, mais qui se nourrissent d'abord de l'expérience quotidienne, de l'existence, disons, de problèmes scientifiques, de problèmes politiques, de problèmes militaires, de problèmes de toutes sortes, de problèmes existentiels, de problèmes, par exemple, de maladies, de médecine, pour Canguilhem. Chez Canguilhem, le rapport à la médecine est fondamental. Canguilhem a décidé de faire une thèse de médecine après avoir démarré des études de philosophie, en disant « je ne pourrais pas faire de philo si je ne suis pas médecin ». Donc voilà, c'était ce genre de... Il est d'ailleurs devenu célèbre à cause de sa thèse de médecine, parce que son ouvrage s'appelle « Le normal et le pathologique », dont tout le monde croit que c'est une thèse de philo, c'est une thèse de médecin. Ce qui prouve qu'à l'époque, on faisait de la médecine quand même assez différemment d'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, les thèses de médecine, c'est en général quand même très très très très différent. D'ailleurs, les jeunes médecins, je ne sais pas si vous l'avez entendu dire, en France, se rebellent un petit peu contre cette dérive, voilà. Et à très juste titre, parce que c'est un scandale. Aujourd'hui, on produit des médecins qui sont surtout des marchands de médicaments. Donc, voilà. En tout cas, pour moi, avoir une grande variété d'objets, une grande hétérogénéité d'objets à intérêt, c'est presque une condition, en fait, de la philosophie. Vous citiez, Bernard Stiegler, cette notion de se nourrir de l'expérience. J'en veux également pour preuve deux indications que vous donnez dans votre introduction à l'un de vos derniers ouvrages, Technique et temps. Vous vous trouvez dans une situation, écrivez-vous, à un moment d'immobilité forcée. Ce contexte d'immobilité totale ou partielle se traduit chez vous, tout au moins c'est ce que j'ai pu imaginer, par une forte mobilité intellectuelle. Peut-être que l'immobilisme en rajoute une couche, si j'ose dire. Et du coup, ça m'amène à avoir envie de vous entendre là-dessus. Et puis peut-être également, j'allais dire en chemin, sans mauvais jeu de mots, est-ce que la flânerie ou la marche, le déplacement physique, fait aussi partie... tel un bon péripatéticien de l'activité du philosophe que vous êtes. Oui, oui, tout à fait. Alors l'immobilité, pour moi, c'est vraiment très très important dans mon parcours vers la philosophie, disons. D'abord parce que j'ai été incarcéré pendant 5 ans, et donc je me suis retrouvé totalement immobile pendant 5 ans. Quand je dis totalement immobile, avec l'exception que la loi impose 1 heure de promenade par jour, mais que je ne faisais pas d'ailleurs pour des raisons... Parce que ce qu'on appelle la promenade en prison, ça, c'est un peu dégradant au niveau des conversations qu'on y entend. Donc j'évitais d'y aller, j'y allais qu'une fois par semaine pour, voilà, parce que les médecins m'avaient dit, si vous ne marchez plus du tout, vous allez avoir des gros problèmes, ce qui m'est arrivé, d'ailleurs j'ai eu une phlébite. Voilà. Donc j'ai joué la carte de l'immobilité totale et du silence total aussi pendant 5 ans. J'étais de toute façon obligé de la jouer, donc j'ai décidé de la jouer justement et ne pas m'y opposer. Alors même que vous étiez très mobile avant cette incarcération, ou pas, vous étiez plutôt d'un tempérament à bouger beaucoup ou... Pas beaucoup, mais un peu quand même. Oui. J'étais plutôt quelqu'un d'actif, quoi, comme on dit, avec beaucoup d'amis et tout ça. Donc là, j'ai joué à fond cette carte. Et d'ailleurs, j'en ai un peu parlé dans le même livre que j'évoquais tout à l'heure, qui s'appelle « Passer à l'acte ». J'ai présenté ça comme une expérience de ce que Husserl, qui est un philosophe que j'ai beaucoup lu, appelait l'époké philosophique, c'est-à-dire la suspension. Dans la démarche philosophique, quelle qu'elle soit d'ailleurs, toutes les formes de philosophie, il y a toujours un moment où on suspend des façons de vivre habituelles. Voilà. On change de façon de vivre, et en particulier, on s'arrache, je dirais, à ce que Husserl appelait la thèse naturelle, c'est-à-dire la façon ordinaire de croire au monde et d'y vivre, c'est-à-dire de s'y déplacer, etc. On se met en retrait. Ça aussi, ça ressemble un peu aux religieux. Voilà. Et on cherche à trouver les sources du rapport qu'on a au monde en l'absence du monde. Voilà. Ça, je l'ai évidemment pratiqué de fait en prison, parce que la prison, c'est une espèce... J'ai appelé ça, moi, un laboratoire de phénoménologie appliquée, voilà, qu'il faudrait enseigner à tous les détenus, ce que j'ai fait d'ailleurs, puisque j'ai un peu donné des cours comme ça pendant quelques mois à des détenus. Mais ensuite, effectivement, je me suis retrouvé par ailleurs, et à plusieurs reprises d'ailleurs, mais en particulier une fois, j'ai été totalement immobilisé pour des raisons, parce que j'étais opéré du dos et ça s'est mal... Enfin, il y a eu une mauvaise évolution. Donc je me suis retrouvé absolument paralysé, je ne pouvais pas me lever même, du tout. J'ai passé un mois immobilisé sur une planche avec la critique de la raison pure, et qui a été une extraordinaire occasion. Ça faisait peut-être 10 fois que je la lisais, j'ai relu in extenso. Et enfin, ça faisait 20 ans que j'enseignais. Et enfin, j'ai compris ce que j'enseignais. Parce que longtemps, je l'ai enseigné sans vraiment... Donc, je m'appuyais sur d'autres interprètes de Kant. Mais moi-même, je n'arrivais pas à avoir ma propre interprétation. Et là, oui, il s'est passé quelque chose. Et c'était lié à l'immobilité. Alors, en même temps, et comme vous l'avez d'ailleurs anticipé, j'ai une pratique de la mobilité. Pendant des années, j'ai écrit des livres à vélo, c'est-à-dire en utilisant un dictaphone, et avec une raison très précise d'ailleurs, c'est que l'effort physique, quand on fait 15 ou 20 km à vélo, s'il y a un peu de côte en particulier, les endorphines commencent à rentrer à se disséminer dans le cerveau, et ça désinhibe l'individu, et donc ça me permet, par exemple quand j'avais une conférence à faire, que je n'arrivais pas à trouver le fil pour la... Je prenais mon vélo, j'allais pédaler 15 km et je revenais avec la conférence faite. Voilà. Plus ou moins. Enfin, en tout cas, les grosses idées, etc. J'ose dire que je vois exactement de quoi vous parlez. Alors, j'ai pratiqué ça aussi en nageant. Alors là, c'est très différent parce que je ne peux pas emmener mon dictaphone en nageant. Mais parce que j'ai eu ce problème, d'ailleurs, pour éviter une opération, un médecin m'avait dit qu'il faut beaucoup nager. Donc, à une époque, je nageais, par exemple, tous les dimanches matin, je nageais 3 heures sans m'arrêter. Et après, je suis devenu un accro, en fait, parce qu'on devient accro de ce genre d'exercice. Voilà, on est en manque, après, quand on... Les endorphines qu'on produit, on en a besoin. Et j'ai écrit ma thèse comme ça. J'ai écrit ma thèse en nageant énormément. Je sortais de l'eau, je m'écroulais littéralement, parce que j'étais totalement épuisé. Et puis après, en me réveillant, je notais tout ce que j'avais eu dans la tête pendant que je nageais. Et j'ai fait ma thèse comme ça. Donc ça, c'était à la fin des années 80, début des années 90. Et j'ai d'autres pratiques, plus maintenant, mais en automobile. Autrefois, je faisais Paris-Compiègne, puisque j'enseignais à l'université de Compiègne, régulièrement, aller-retour, 3 heures de voiture en fait. Pareil, dictaphone. Et je réécoutais ce que j'avais dicté la semaine d'avant, et je la critiquais. Je critiquais ce que j'avais dit. Je dialoguais avec moi-même, un petit peu comme Bill Evans, le pianiste, a fait un disque magnifique qui s'appelle Conversations with Myself, où il fait du re-recording, ce qu'on appelle du re-recording. Il joue au piano, puis ensuite il s'écoute et il rejoue sur ce qu'il a déjà joué, etc. J'ai beaucoup pratiqué ça, Donc je varie en fait les rapports à la mobilité et à l'immobilité, mais par contre je raisonne ça, voilà, beaucoup. Et j'ai besoin. Et je pense que tout ça peut s'enseigner en plus. C'est ce qu'on appelle depuis les Grecs, et depuis que Michel Foucault a traduit les expressions des Grecs, la techné tou biou, ce genre de la melette, etc., c'est ce qu'on appelle les techniques de soi. En fait, d'ailleurs, le premier à avoir mis en avant le fait que la philosophie grecque et romaine est avant tout une technique de soi, et en ce sens-là une morale, pas au sens moderne du mot, mais au sens des antiques, c'est Pierre Hadot, voilà, qui a influencé beaucoup Michel Foucault. Et ensuite, Michel Foucault, à la fin de sa vie, à partir de 1980, a consacré ses derniers travaux aux techniques de soi. Et ça m'a beaucoup... Enfin, j'ai découvert tardivement, moi... par hasard d'ailleurs, c'est un ami qui m'a offert un numéro de revue, il y avait un texte de Foucault dedans qui s'appelait L'écriture de soi, et j'ai découvert qu'en fait il théorisait ce que je pratiquais moi-même, voilà. Mais ça a été théorisé, Montaigne a parlé de ça, Sénèque, etc., c'était des pratiques, et bien entendu Aristote, comme vous le disiez tout à l'heure. Что, зябко? Очень. Я, знаете, даже не думал, что у нас тут так холодно. Из-за границы, что ли? Да, из Швейцарии. Эй, квич вас! И долго вы там пробыли? Более 4 лет. Меня лечиться туда посылали. Ну и что ж, вылечили? Нет, не вылечили. Денег-то должно быть. Вы Les conditions où les endorphines sont mises à l'épreuve, où tout au moins se réveille et puis nous stimule. Il y a aussi un autre cas auquel vous semblez sensible, qui est également cité Bernard Stiegler dans l'introduction de Technique et Temps, qui a rapport avec l'idiot de Dostoïevski. Oui. Le personnage principal de l'idiot étant frappé d'un problème majeur, fort courant à l'époque, fort courant également dans la littérature russe. Développez ça. Alors, il se trouve que ce problème était aussi le problème de Dostoïevski lui-même, qui est donc l'épilepsie, voilà. Le haut mal, comme on l'a appelé longtemps. Haut mal, ah oui. Mal, oui, ah. On appelait ça le haut mal, y compris parce qu'à une époque, c'était considéré comme une possession diabolique, etc. La crise épileptique, c'est quelque chose de très frappant, hein, quand on voit, moi j'en ai vu 2 ou 3 fois des gens avoir une crise, c'est extrêmement frappant, parce que la personne se contracte complètement, se recroqueville, se met à baver, les yeux se révulsent, etc. Enfin bon, on a l'impression que ça partait absolument plus du tout, qu'il est effectivement possédé. Voilà. Dostoïevski lui-même souffrait de ça, et donc il a écrit L'Idiot, dans des conditions d'ailleurs absolument inouïes, hein, parce que il faut lire une lettre qu'il a écrite, je ne sais plus en quelle année, mais enfin juste avant d'écrire L'Idiot. Il est à Baden-Baden, il jouait, il était joueur, il était addict au jeu, et c'était un homme qui avait une vie très très compliquée, Dostoïevski, qui flambait, voilà, qui était toujours endetté, enfin bon. Et il allait jouer à Baden-Baden, un casino allemand. Il perdait beaucoup, évidemment, donc il avait des dettes de jeu, et puis on a à l'époque, la dette c'était la prison, hein, donc, et un jour il est à Baden-Baden, là où il a écrit Le Joueur d'ailleurs, et il reçoit une lettre d'un ami à lui qui lui dit « Mais mon cher Fiodor, tu ne donnes aucune nouvelle, etc., vraiment, t'es pas un bon ami, etc. » Et il lui répond « Mon cher ami, si tu savais dans quelle situation je suis, tu ne me dirais pas cela. » J'ai signé un contrat pour 4000 roubles avec un journal, puisqu'il publiait ses livres d'abord en feuilleton. Je dois rendre le manuscrit dans 2 semaines. Il se trouve que j'ai écrit un manuscrit qui était extrêmement mauvais. Je l'ai jeté dans le lac. Et maintenant, il me reste 15 jours pour écrire le livre. Et je n'ai pas encore écrit une ligne. Sacré Fiodor. Et il va écrire en 3 semaines le livre, qui est un énorme bouquin en plus, et très compliqué. Alors, bon, il avait fait des versions antérieures, etc., donc c'est pas du tout... Mais c'est absolument hallucinant. Il écrit dans une situation d'extrême urgence, et il est vital pour lui d'écrire. Alors, qu'est-ce qu'il raconte ? Il raconte l'histoire d'un prince, donc, qui est épileptique. Et il fait de cette épilepsie un moment qu'il attend, et qu'il envie. il pose que, voilà, en aucun cas il ne voudrait se passer de cette crise d'épilepsie, parce qu'il dit qu'il y a un moment de la crise où il aperçoit en une fraction de seconde tout ce qu'il a cherché à voir. Et il raconte que Mahomet était lui-même un épileptique, le prophète du Coran, il dit lui-même, Mahomet, qu'il a vu d'un seul coup, il a eu l'illumination de Dieu dans la crise épileptique. Donc ça m'intéresse énormément. Pourquoi ? Eh bien parce que je pense que les processus d'invention, de production noétique, artistique, scientifique, etc., passe toujours par des choses comme ça, qu'un de mes amis américains qui s'appelle David Bates s'appelle Insight. Voilà. Ça passe toujours par là. Et j'en ai reparlé dans un autre livre qui s'appelle Dans la disruption, où j'ai fait toute une analyse du rôle du rêve chez Descartes, chez Michel Foucault, du rapport entre rêve et folie, et des conditions dans lesquelles certaines formes de rêve, également Paul Valéry en parlait énormément. Il écrit tout un livre sur les rêves, Paul Valéry, mais beaucoup d'autres, évidemment, les psychanalystes, etc. Aussi, le psychiatre suisse Ludwig Binswanger, qui a fait une théorie du rêve inspirée de Freud, mais très très différente de celle de Freud, sont aussi des façons de poser quoi ? De poser que, pour ça, entre guillemets, hein, le génie créateur, le génie inventif, noétique, spirituel, etc., se produit toujours dans un état d'exception. Cet état d'exception, je dirais que l'état d'exception normal, si j'ose dire, c'est le rêve lui-même. Et ça, c'est ce que dit un anthropologue que j'ai beaucoup lu, parce que il a écrit un livre sur les 250 grottes ornées que l'on trouve dans le monde de l'époque du paléolithique supérieur, où les hommes commencent à peindre ce qu'ils voient. Et qui sont des espèces d'hallucinations en même temps, hein, puisque quand on dessine quelque chose, on ne dessine pas sur le motif quand on est dans une grotte, hein, on hallucine une situation, voilà. Et il dit, cet anthropologue, l'homme est le seul animal qui réalise ses rêves. C'est-à-dire qui est capable de, non seulement de rêver, ça beaucoup d'animaux rêvent, presque tous les animaux qui ont un système nerveux, enfin en tout cas les animaux supérieurs rêvent, ça on le sait maintenant aujourd'hui, très très précis. Et d'ailleurs tous les gens qui ont un chien ou un chat s'en sont aperçus, surtout chez les chiens, plus que chez les chats. Mais seul l'homme réalise ses rêves. Alors ça, c'est un point sur lequel j'ai beaucoup travaillé, dans la mesure où je pense que, par exemple, j'ai été extrêmement frappé, moi, les dessins de Léonard de Vinci, où il dessine, d'abord il étudie les oiseaux, les ailes des oiseaux, puis commence à dessiner un avion, et puis finalement il fait une espèce de rêve d'un objet qui serait ce qu'on appelle l'avion. Et ça, c'est à la fin 15e, début 16e, et au 19e siècle, Clément Ader réalise cet avion. Voilà. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que l'humanité peut réaliser des rêves qui ont été faits par d'autres avant, voilà, premièrement. Et deuxièmement, parce que j'ai beaucoup travaillé sur un film absolument magnifique qui s'appelle Le vent se lève de Miyazaki, donc qui est un film de dessin animé japonais, avec un génie absolu qui est Miyazaki. D'après un poème de Paul Valéry. Et aussi La montagne magique de Thomas Mann. Ils mettent en scène le rêve de réaliser un avion d'un jeune japonais qui va devenir en fait l'inventeur du Mitsubishi Zero et qui va être celui qui va être à l'origine des kamikazes, c'est-à-dire de ces aviateurs japonais qui se jetaient sur les bateaux américains. Et la réponse va être un cauchemar, c'est-à-dire Nagasaki et Hiroshima, puisque le film montre véritablement comment la montée en puissance du rêve va tourner au cauchemar. Alors ça, je pense que c'est aujourd'hui la grande question du XXIe siècle. Comment tous nos rêves, en particulier ceux que nous avons forgés au XVIIIe siècle, mais qui s'appuient eux-mêmes sur des rêves des Grecs et des Romains, etc., etc., ou de l'Église, catholique ou protestante, finalement semblent tourner au cauchemar aujourd'hui. Et comment est-ce qu'on peut prendre soin de cela pour changer cette situation ? Bernard Stiegler, on va se retrouver demain pour la suite de cet entretien. On va intituler d'ailleurs cet épisode de demain « Le passé et la suite ». Vous saurez un peu plus pourquoi si vous êtes fidèle à l'antenne. Merci de ce premier rendez-vous et à demain. Histoire vivante, une émission proposée par Jean Leclerc, en collaboration avec l'unité documentaire TV de la RTS et le journal La Liberté.